Vous écoutez France Culture. Contre-histoire de la philosophie de Michel Onfray à l'Université populaire de Caen. Dixième année, les consciences réfractaires. Aujourd'hui, une lesbienne inauthentique. Bien, bonsoir, merci d'être là pour ce 211e cours. Et ce dernier cours consacré à Simone de Beauvoir, je voudrais aborder ce soir la question de la bisexualité de Simone de Beauvoir, de son homosexualité, de son lesbianisme. Elle l'a pensé théoriquement, elle a été elle-même bisexuelle, et c'est intéressant pour comprendre l'architecture de cet ouvrage, les thèses de cet ouvrage et un certain nombre de propositions sur le corps des femmes, sur la relation sexuelle ou la relation sexuée. Pour Simone de Beauvoir, c'est évident, l'enfer, c'est le mal. Il y a une intersubjectivité qui est placée sous le signe de la violence. Les rapports entre les sujets, les rapports entre les individus sont pensés par Simone de Beauvoir sous le signe de la violence. J'ai eu l'occasion de vous dire la dernière fois que Hegel avait joué un rôle important dans la pensée de Simone de Beauvoir, dans la conception et la construction du deuxième sexe. Un Hegel qu'on ne connaît pas trop, mais qu'on aborde par le cours que Kojève lui consacre. Et c'est un cours très marxisé, enfin c'est un Hegel très marxisé. Et Kojève insiste beaucoup sur deux ou trois moments de la pensée de Hegel, de la phénoménologie de l'esprit, et un moment particulier qui est celui de la domination et de la servitude, ce que Hegel appelle la lutte des consciences de soi opposées. Hegel pense que toute relation entre les individus suppose une guerre, un combat, symbolique, allégorique bien sûr, mais pas seulement, et qu'à l'issue de ce combat, il faut un maître et il faut un esclave. Il faut un dominant et il faut un dominé. C'est dit simplement, c'est plus complexe que ça. Il faut repenser ça dans le contexte de la phénoménologie de l'esprit. Il faut repenser ça dans le contexte de la dialectique hegelienne. De sorte qu'il nous faudrait montrer que parfois le maître est un esclave et parfois l'esclave est un maître aussi. On n'entrera pas dans les détails. Ce qui est retenu de Hegel, c'est ça. Toute intersubjectivité est violente et brutale. Et Simone de Beauvoir y souscrit théoriquement, intellectuellement. Et on peut imaginer aussi que biographiquement, ses relations sexuelles, sa propre sexualité, ses expériences sexuelles la conduisent à ce genre de conclusion. La sexualité, c'est l'assujettissement violent, c'est l'appropriation agressive. Il y a de la domination, et elle est toujours masculine, et il y a de la servitude, et elle est toujours féminine. Il y a des tensions, pour ne pas dire des contradictions, dans le travail de Simone de Beauvoir entre la nature et la culture. Vous savez que la thèse essentielle de l'existentialisme, on a eu l'occasion de le voir, c'est que l'existence précède l'essence. Donc il n'y a pas de nature humaine, il n'y a pas d'essence a priori. On ne naît pas femme, on le devient donc. Hein, vous connaissez cette phrase célèbre, c'est celle qui ouvre le second volume du deuxième sexe. Et pourtant, souvent, elle nous dit qu'il y a une nature humaine féminine, qu'il y a un corps féminin, bien sûr, mais qu'il y a aussi un genre de nature humaine. Et dans la nature humaine féminine, il y aurait une prédisposition à l'homosexualité. Elle nous dit également que, naturellement, l'homme dans la relation sexuelle cherche une seule chose, c'est la délivrance dans le rut, c'est le mot qu'elle utilise. Et elle dit la femme veut autre chose. Elle veut une satisfaction plus subtile, plus mentale ou plus cérébrale. Ce sont donc deux mondes. Difficile donc de considérer que s'il y a deux mondes, ce ne sont pas seulement deux mondes construits, il y a aussi deux mondes naturels. Il n'y a pas que de la culture dans cette aventure. Les femmes ne sont pas femmes que par la culture. Elles le sont aussi par la nature et donc par leur corps. On reviendra sur cette affirmation, mais elle est terrible. Et vous voyez tout ce que ça peut engager comme type de conséquence. Simone de Beauvoir nous dit « toute pénétration est un viol ». Il n'est pas question pour elle que la pénétration soit pensée autrement que sur le principe hegelien de la domination, de l'appropriation, de l'assujettissement, de la domination donc masculine. Et elle enferme l'homme dans un étrange paradoxe. On peut dire que la sexualité devient difficile avec une conception comme celle-ci. Elle nous dit, Simone de Beauvoir, que soit l'homme est brutal, il est incompétent, il n'est pas doué au lit, D'où la frigidité de la femme, ou alors l'homme est habile, il est capable de donner du plaisir à sa partenaire, mais alors il la domine et il en fait sa chose. De sorte que, ontologiquement, les hommes sont condamnés à mort. Quoi qu'ils fassent, de toute façon, ça n'est pas bien. Il n'a le choix qu'entre le viol brutal et le viol habile. C'est pas réjouissant pour les hommes, c'est pas réjouissant non plus pour les femmes. C'est ainsi que Simone de Beauvoir pense l'hétérosexualité. Elle dit ça et là, il n'y a pas de chapitre explicitement consacré à ça, il faut vraiment lire l'œuvre intégralement, plume à la main, et ne pas se décourager des longs tunnels, des longues citations, des longues références, des longs commentaires, des tableaux, des chiffres, etc. etc. Il faut chercher ça et là, une phrase, deux expressions, un mot, et mettre tout ça en perspective pour disposer d'informations sur ce que pourrait être l'intersubjectivité sexuelle idéale pour Simone de Beauvoir. Ce serait quoi l'idéal entre deux sexes ou entre deux êtres sexués? Et elle parle d'une réciproque générosité de corps et d'âme. Voilà la proposition en matière d'intersubjectivité sexuelle ou sexuée pour Simone de Beauvoir, une réciproque générosité de corps et d'âme. Alors évidemment, elle est athée, Simone de Beauvoir. Les athées ont bien sûr le droit de parler d'âme, mais il faut donner une définition. Est-ce qu'elle est matérielle, dans le sens d'Épicure et des épicuriens? Est-ce qu'elle est spinoziste? Spinoza nous disant que l'âme, c'est ce qui enveloppe le corps. Est-ce qu'elle est autre chose encore, cette âme? Simone de Beauvoir ne nous le dit pas, mais elle parle d'une réciproque générosité de corps et d'âme. Elle supposerait cette réciprocité, c'est une citation, « désir et respect ». Elle souhaite également de l'amour et de la délicatesse, et elle fait savoir que l'érotisme devrait être moins soucieux de performance physique que de volupté construite à deux. Souvent, cette intersubjectivité, elle est pensée comme si chacun était enfermé dans son sac de peau, comme si on était dans des perspectives autistes, chacun pour soi, chacun dans sa sexualité, sans capacité à relation, à entretenir, à créer une relation avec autrui. Elle voudrait qu'il y ait, nous dit-elle, une conscience de l'union des corps dans leur séparation. Nous sommes séparés, chaque être est lui-même, et par définition, on est dans une aventure solipsiste. Ce mot qui nous dit que nous sommes seuls à nous-mêmes et seuls nous-mêmes dans un monde où les autres sont eux aussi seuls. Est-ce que, avec des monades, des espèces d'atomes qui circulent comme ça dans la vie, il y a la possibilité d'un agencement? Est-ce qu'avec des autistes ou des solipsistes, on peut proposer des configurations sexuelles, amoureuses ou ne serait-ce que éthiques, simplement éthiques? Elle nous dit que c'est probablement possible et pensable. Il faudrait dans cette aventure charnel et sexuel, que la chair, justement, soit convoitée comme une liberté reconnue. C'est-à-dire qu'on a en face de soi un être libre. Et il faudrait, justement, solliciter ou susciter la liberté de l'autre pour pouvoir entretenir une relation digne de ce nom, une intersubjectivité sexuée et sexuelle idéale. Il faudrait, nous dit-elle, que cette reconnaissance réciproque permette quelque chose de particulier. Il faudrait que l'altérité n'ait plus un caractère hostile. Ce qui veut dire donc qu'on est bien parti de Hegel. L'altérité a toujours un caractère hostile. Le fameux enfer, c'est les autres. Ces conditions qui sont présentées par Simone de Beauvoir, je vous le rappelle, de manière explosée, fragmentaire, ça et là, ici et là, il faut glaner ce genre d'informations-là. Réciproque générosité de corps et d'âme, désir et respect, amour et délicatesse, une reconnaissance réciproque dans laquelle l'altérité n'a plus un caractère hostile, et bien tout ça, Simone de Beauvoir nous dit, ça se trouve dans un certain type de relation sexuelle, et cette sexualité-là, c'est le lesbianisme. Elle le théorise, elle le connaît théoriquement, elle a travaillé sur ce sujet, sur cette question, et puis elle le pratique du début de son existence jusqu'à la fin de son existence. Ce livre qui va devenir une espèce de bréviaire hédoniste, un éloge de la femme libérée qui va pouvoir par la suite pratiquer la contraception, l'avortement, l'union libre, etc. Et c'est fort heureux, et en ce sens c'est un très grand livre, Le deuxième sexe. C'est un livre qui paradoxalement montre une haine du corps. Il y a une haine du corps chez Simone de Beauvoir, c'est exactement la même haine du corps qu'on trouve dans L'être et le néant. Elle nous parle, et c'est une citation, de la misère originelle d'être corps. Misère originelle d'être corps. En ce sens, elle s'inscrit bien dans la tradition de la philosophie occidentale, de ce que Nietzsche appelle l'idéal ascétique, haine de soi, haine du corps, haine des désirs, haine des passions, haine des pulsions, et célébration de l'esprit, de l'âme, de l'intelligence, de la raison. Elle parle par exemple, Simone de Beauvoir, de la matrice comme d'un tombeau. C'est une tombe. Elle nous dit de l'embryon qu'il est dans la matrice, mais qu'il est glaireux, qu'il ressemble, c'est une citation, à une gélatine tremblante, que cet embryon, il manifeste la molle viscosité des charognes. Quand elle parle des règles, et ça joue un rôle extrêmement important et très intéressant, moi j'ai lu ça adolescent, le deuxième sexe, et de fait le mystère des règles, des femmes qui saignent, et qui ont cette blessure, on n'en parle pas autour de soi, on n'est pas informé, c'est inquiétant, et quand on lit chez Simone de Beauvoir les longs passages qu'elle consacre aux menstruations, on découvre un certain nombre de choses, mais sous le signe de la terreur également. Elle nous parle des menstruations en nous disant cette odeur fade et croupie qui monte d'elle-même, des femmes, hein, odeur de marécage, de violette fanée. Quand elle parle des sécrétions du corps, sécrétions corporelles et sécrétions sexuelles, elle écrit « Si la chair suinte, comme suinte un vieux mur ou un cadavre, il semble non qu'elle émette du liquide, mais qu'elle se liquéfie. C'est un processus de décomposition qui fait horreur. Le rut féminin, c'est la molle palpitation d'un coquillage. » Je rappelle que Jean-Paul Sartre n'aime pas du tout les fruits de mer. C'est une information, hein, c'est vérifiable. Elle file la métaphore du marécage dans lequel on s'enlise, une nouvelle citation. La femme, nous dit-elle, guette comme une plante carnivore le marécage où insectes et enfants s'enlisent. Elle est succion, ventouse, humeuse. Humeuse, c'est-à-dire qu'il y a le caractère de l'humus. Hein. Elle est humeuse, elle est poids et glu, un appel immobile, insinuant et visqueux. Par ailleurs, pour continuer le portrait et pour nous rendre amoureux, nous les hommes, elle fait de longues dissertations pour nous expliquer que les femmes souffrent de salpingite, de fausse métrite et que leurs muqueuses utérines sont saturées de corps jaune. Bon appétit. Il y a des descriptions de la ménopause qui sont également terribles, où elle explique que la graisse envahit le corps, etc. etc. C'est-à-dire qu'elle démarque vraiment la conception sartrienne du corps et de la chair. Je vous renvoie à l'être et le néant, et dans l'être et le néant, le corps, c'est la facticité, c'est la contingence, c'est même la pure facticité, et à longueur de page, vous avez le corps glaireux, le corps poisseux, le corps visqueux, le mou, le gluant, etc. Et Jean-Paul Sartre parle, lui aussi, du contenu flasque d'un coquillage. Dans la cérémonie des adieux, il est bon de mettre en perspective la pratique sexuelle d'un philosophe et son discours sur la sexualité, c'est le principe, vous savez, c'est la méthode que j'utilise depuis 10 ans pour cette contre-histoire. On peut parler de la sexualité quand on est un philosophe, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir quelle sexualité on a pour en parler de cette manière-là. Et Sartre et Beauvoir, qui ont beaucoup écrit sur tout et qui ont beaucoup raconté leur vie en long, en large et en travers, nous ont donné des informations sur ce qu'ont été leur vie sexuelle. On en profite donc. Je renvoie à la cérémonie des adieux et Sartre parle dans ce texte-là de la vraie vie où on n'a pas besoin d'un corps. La vraie vie où on n'a pas besoin d'un corps. Ça renvoie explicitement à cette phrase de Simone de Beauvoir dans Le deuxième sexe, celle dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, la misère originelle d'être corps. Donc on voit bien effectivement que le corps les encombre, que ce sont deux grands cerveaux et que le corps d'ailleurs dans leur existence a toujours été maltraité. J'avais raconté dans le ventre des philosophes, quels étaient les régimes alimentaires de Jean-Paul Sartre, donc ce qu'il ingérait, les quantités d'alcool, le tabac, 2 paquets de Boyard papier maïs par jour, les amphétamines, je vous ai fait savoir qu'il croquait un tube de Corydrane parfois dans une journée, qu'il en avait la langue pelée et que le corps était évidemment abîmé, donc consommation d'alcool, les nuits courtes, l'hygiène défaillante, etc. Ce sont des gens qui, l'un et l'autre, pendant toute leur existence, ont puni leur corps et n'ont célébré que leur cerveau. Ce sont deux grandes unions cérébrales, et on peut effectivement imaginer que le couple Sartre-Beauvoir, c'est une relation cérébrale torride. Elle parle de fraternité absolue, Simone de Beauvoir, pour signaler, pour caractériser la relation qu'elle a entretenue avec Jean-Paul Sartre. Il faut en faire un peu la généalogie, elle a aussi raconté leur rencontre, c'est en 1929, l'été 29, au jardin du Luxembourg. Elle raconte tout ça dans les mémoires d'une jeune fille rangée. Ils ont 2 ans et demi de différence. C'est Sartre le plus âgé. Et elle défend à ce moment-là ce qu'elle appelle sa morale pluraliste pendant 3 heures. Elle a, à cette époque-là, une pensée, une conception qui lui est propre. Mais apparemment, la dialectique de Sartre est plus forte et elle y succombe, elle y consent. Et elle dit, voilà, pendant 3 heures, je défends cette morale pluraliste, Sartre bataille contre elle, mais finalement, elle s'avoue vaincue. Elle écrit, c'était la première fois de ma vie que je me sentais intellectuellement dominé par quelqu'un. On peut, quand on se sent dominé, refuser cette domination, et puis on peut aussi en jouir, et elle en jouira toute son existence. C'est-à-dire qu'elle devient la vassale de ce philosophe, et elle dit, mais la philosophie, c'est pour lui, c'est pas pour moi, je ne saurais pas. Et parlant de Sartre, elle dit, je me mesurais à lui, et dans nos discussions, je ne faisais pas le poids. Elle écrit, cette femme qui nous fait savoir qu'il faut être autonome, indépendant, ne pas être la femme de son mari pour exister, et qu'il faut exister en tant que telle, elle se met au service de Sartre, elle le dit très bien, et elle se met au service de Sartre pour le projet qui est le sien, et qui était aussi le sien, souvenez-vous, j'avais remis ça dans la perspective de la psychanalyse existentielle, c'est de là veut l'être célèbre. Ils l'ont dit, Simone de Beauvoir le fait savoir, dans les carnets de jeunesse, donc des textes qui n'étaient pas forcément destinés à être publiés, mais dans ses mémoires, texte publié, et Jean-Paul Sartre, dans Les mots. Les deux nous le disent, ce que nous souhaitons, c'est devenir célèbre grâce à la littérature. Et il y a donc un pacte entre ces deux-là pour réaliser ce projet-là. Et Simone de Beauvoir dit, je me mets au service de Jean-Paul Sartre afin qu'il devienne célèbre. Elle dira à Alice Schwarzer, elle aura des entretiens avec elle, elle dira, mon œuvre la plus importante est ma vie. Et quelques temps plus tard, dans un film que réalisera José Dayan avec Malka Rybowska, qui s'appelle Simone de Beauvoir, elle dira aussi « La plus grande réussite de ma vie, c'est Sartre ». C'est Simone de Beauvoir qui écrit ça. Elle passe l'agrégation. D'abord, c'est une femme. Ensuite, elle n'est pas normalienne, elle n'est pas à l'école normale supérieure. Elle suit des études, elle, à l'université, à la Sorbonne. Donc, ce sont deux mondes, avec l'aristocratie d'un côté et puis la République de l'autre côté. Et le jury hésite devant la jeunesse de Simone de Beauvoir. Et Maurice de Gandillac disait qu'il ne pouvait pas mettre Sartre et Beauvoir ex aequo, qu'il fallait en choisir un. Et ils ont préféré le mâle normalien plutôt que la jeune fille qui était, elle, à la Sorbonne. Donc elle a été reçue, mais seconde. En juin 1998, Maurice de Gandillac témoigne sur cette question-là. Donc la chose est publiée, éditée. Il dit « la philosophe ». C'était elle. Et il a ajouté, mais elle a accepté que le grand homme, le philosophe, ce soit lui. Donc il explique, Gandillac, que l'un et l'autre ont eu une relation de travail, et il disait, je crois qu'en fin de compte, son œuvre à lui était pour eux la chose la plus importante. Et de fait, c'est comme ça que les choses se sont passées, c'est-à-dire que Simone de Beauvoir a vécu volontairement dans l'ombre de Jean-Paul Sartre en disant qu'elle était là pour l'aider à devenir Jean-Paul Sartre. Le père de Simone de Beauvoir lui avait dit « Tu as un cerveau d'homme ». Pas faire de psychanalyse existentielle, encore moins de psychanalyse freudienne, mais à l'évidence, on peut constater qu'elle s'est évertuée sa vie durant et lui donner raison. Il y a eu un grand amour entre Simone de Beauvoir et Nelson Algren, écrivain américain, un amour transatlantique, et c'est cet amour-là qui a été l'occasion pour Simone de Beauvoir de découvrir le plaisir sexuel. Donc, c'est arrivé tardivement dans la vie de Simone de Beauvoir. Et elle écrit une lettre à Nelson qui ne comprend pas très bien leur relation. Lui, il veut qu'elle vienne aux États-Unis. Elle dit non, je suis en France près de Sartre. Et elle lui écrit très sincèrement les choses. Et je vous lis cette lettre où elle livre franchement la clé de ce fameux couple et la clé de cette énigme des amours nécessaires et des amours contingentes. Elle écrit du moins, « J'avais 22 ans et lui 25. Je lui donnais avec enthousiasme ma vie et moi-même. Il fut le premier homme avec lequel je couchais. Aucun auparavant ne m'avait même embrassé. Depuis longtemps, nos existences se confondent. Et je vous ai déjà dit à quel point je suis lié à lui, par un amour cependant qui se rapprocherait plutôt d'une fraternité absolue. » Une fraternité absolue. Sexuellement, ce ne fut pas une parfaite réussite, essentiellement à cause de lui. Il n'est pas passionné par la sexualité. C'est un homme chaleureux, vivant en tout sauf au lit. J'en eus vite l'intuition, et pour cause, ça ne s'appelle pas une intuition, mais une constatation. J'en eus vite l'intuition, malgré mon manque d'expérience, et peu à peu, ça nous a paru inutile, voire indécent, de continuer à coucher ensemble. Nous abandonnâmes, au bout d'à peu près 8 ou 10 ans, peu couronnés de succès dans ce domaine. Donc, elle dit à cette époque à Nelson Algren qu'effectivement, la relation qu'elle entretient à Jean-Paul Sartre, les fameux amours nécessaires, c'est une relation cérébrale, c'est une relation entre deux cerveaux, entre deux intelligences. Et Sartre lui donnera raison en expliquant lui aussi ce que sont ses hypothèses sur ce sujet-là, sur ce terrain-là, et en se livrant lui aussi d'ailleurs sans complexe. Je renvoie encore à la cérémonie des adieux. Et Sartre nous dit, dans un vocabulaire plus gynécologique que philosophique, « J'étais plutôt un masturbateur de femmes qu'un coïteur. » Donc, vous aurez compris. Il nous dit qu'il est indifférent à la relation sexuelle et qu'il avoue n'y prendre qu'un petit plaisir. Jamais d'orgasme, digne de ce nom, Il ignore ce que signifie s'abandonner, dit Jean-Paul Sartre. Et de fait, c'est une bonne clé pour entrer dans la forteresse Jean-Paul Sartre. C'est quelqu'un qui jamais ne s'abandonnera à rien. C'est un homme qui toujours refusera les passions, les plaisirs, les émotions, et qui ne sera qu'un grand cerveau, qu'un gros cerveau extrêmement efficace, extrêmement performant, cerveau génial, cerveau inventif, cerveau créateur, mais une machine qui tourne à vide. S'il avait eu des émotions, il aurait eu des convictions. Jean-Paul Sartre n'a jamais eu de conviction. Il a changé de conviction, il est passé d'une idée à l'autre parce que c'était plus utile pour faire carrière, mais il n'a jamais eu d'émotions sur lesquelles il puisse construire, ou de passions sur lesquelles il puisse construire une vision du monde, comme Albert Camus, qui n'est que construction d'un édifice intellectuel et conceptuel à partir d'une émotion, d'une passion d'enfance, d'une fidélité à cette enfance. Pour Sartre, c'est très exactement l'inverse. Il est gêné par son corps, il nous l'a dit, et en revanche, il aime son cerveau, et il aime aussi le cerveau de Simone de Beauvoir. En décembre 1970, dans les entretiens avec Guérassy, dont j'ai parlé aussi, il dit à propos de Simone de Beauvoir, « Elle couchait avec Maheu, mais c'est nos esprits qui avaient de vrais rapports. Nous sommes tombés amoureux de notre intuition réciproque, de notre imagination, de notre créativité, nos perceptions. » Donc c'était un couple de papier, le couple Sartre et Beauvoir. Et quand on nous a parlé de ce couple libre, autonome, indépendant, on nous a caché ces choses-là. On n'imaginait pas que la sexualité avait disparu très vite, très tôt dans cette histoire, et que quand elle a eu lieu, elle était plutôt catastrophique. Il y a donc les amours nécessaires, qui sont donc les amours, les aventures, ou cette fraternité dont elle parle, une fraternité entre deux cerveaux d'agrégés. Et puis les amours contingentes, qui sont les amours du reste du corps, souvent des amours hygiéniques pour Sartre, et chacun dans leur coin libidineux. L'hétérosexualité pour elle est donc violence. On peut concevoir qu'effectivement, avec cette expérience-là, elle puisse penser de cette manière-là. Dans une lettre à Nelson Algren, du dimanche 8 août 1948, elle écrit « Sartre et Bost mis à part, j'ai trois fois dans ma vie passé une seule nuit avec des hommes. » C'est-à-dire, en gros, si on compte bien, six hommes dans une vie de femme qui a 40 ans et qui est en train d'écrire le deuxième sexe. C'est-à-dire la femme qui va révolutionner la condition des femmes sur la planète dispose d'une expérience sexuelle qui est somme toute assez limitée. De sorte que quand on lit les deux gros volumes du deuxième sexe et que, je vous le redis, on va chercher ça et là des choses qui sont dispersées, d'où la difficulté de la lecture de ce livre-là, vous avez une phénoménologie de la relation ou de l'intersubjectivité sexuée ou sexuelle, et je vous fais une petite synthèse de ces choses-là pour vous montrer que Simone de Beauvoir pense l'hétérosexualité sur le mode de la violence. Que veut l'homme avec la femme? Simone de Beauvoir répond « la dominer ». L'amant avec sa partenaire, la pénétrer, la violenter. Le mari avec sa femme, la servir, la chosifier. Le mâle avec la femelle, le posséder. La fiancée ou le fiancé avec sa promise, la circonvenir, l'époux avec son épouse, la tromper, etc., etc. Alors évidemment, quand je fais une liste comme ça, c'est terrible. Mais ce sont des choses qui sont dispersées, ça et là, et qu'on voit dans l'ouvrage, mais on voit que personne n'y échappe. Aucune relation n'y échappe. Que veulent, par exemple, en matière de relations sexuées, la mère avec l'enfant? Même chose, le dominer, l'assujettir. Que veulent la mère et la fille? Quel type de relation mère et fille entretiennent-elles? Simone de Beauvoir écrit que la mère veut mater sa fille, c'est l'expression qu'elle utilise. La belle-mère et la bru, eh bien la belle-mère veut court-circuiter la bru. La mère ménopausée, que veut-elle avec son fils? Le cannibaliser, nous dit Simone de Beauvoir. Là, à chaque fois, j'ai les références, hein, tome 2, page 410, croyez-moi sur parole, ce sont les thèses de Simone de Beauvoir en matière d'intersubjectivité sexuée et sexuelle. Et pourtant, une modalité de la sexualité échappe à cette logique belliqueuse, et c'est l'homosexualité féminine. Elle consacre un chapitre explicite à cette question du lesbianisme. Le lesbianisme renvoie à la sexualité que deux femmes entretiennent entre elles. On peut ajouter que le lesbianisme peut être exclusif, auquel cas on est dans l'homosexualité féminine en dehors de toute hétérosexualité possible. Mais on peut aussi être dans une configuration de bisexualité, ce qui fut le cas de Simone de Beauvoir, même si très vite la bisexualité semble ne pas lui convenir et qu'elle abandonne rapidement les hommes dans son existence au profit de seules relations homosexuelles. Donc il y a un chapitre qui s'appelle sobrement « La lesbienne », qui est un chapitre osé. Il faut dire qu'en 1948, consacrer un chapitre à ce sujet, à cette question, aussi clairement, aussi simplement, et d'autant plus avec ce qu'elle y dit, c'était courageux et audacieux. Elle nous dit ce qu'il faut, évidemment, remettre dans la configuration d'aujourd'hui, parce que aujourd'hui tout le monde est convaincu que l'homosexualité n'est pas une perversion, que ça n'est pas une maladie, etc. Elle dit précisément une lesbienne est normalement constituée. il n'y a pas de dérèglement hormonal qui justifierait qu'on puisse le devenir à cause justement d'un trop plein ou d'un trop peu d'hormones. Il n'y a pas non plus de malformation congénitale. Elle dit, une lesbienne, ce n'est pas une hermaphrodite, c'est quelqu'un qui a un corps de femme plein et entier. Il n'y a pas de déterminisme psychique non plus. Elle critique les thèses freudiennes en nous disant que l'absence de pénis, enfin Freud nous fait savoir qu'une petite fille se détermine par rapport au pénis, que les garçons ont un pénis et qu'à partir de ça, ils peuvent construire un monde dans la logique de l'appropriation, que la petite fille se détermine par rapport à l'absence de pénis qu'elle n'a pas, à quoi Simone de Beauvoir ajoute tout de même, souvenez-vous, elle en fait une critique, mais tout de même elle s'appuie sur cette information, que la petite fille qui, elle, n'a pas de pénis reçoit son identité de l'extérieur puisqu'on lui donne une poupée et qu'elle peut s'amuser avec sa poupée. Et Simone de Beauvoir nous dit, eh bien, les femmes reçoivent leur destin de l'extérieur, alors que les petits garçons le reçoivent de l'intérieur, c'est leur anatomie qui les rend disponible pour la liberté et les jeunes filles pour la facticité. Donc elle nous dit, pas de dérèglement hormonal, pas de problème psychique, il n'y a pas de détermination à partir de l'absence de pénis. Elle critique aussi Adler. Adler défendait une thèse intéressante qu'on appelle la thèse de l'infériorité d'organes, qui supposerait que les jeunes filles, les petites filles, nient leur mutilation et qu'elles affirment de façon compensatoire une virilité qui les conduirait vers l'homosexualité, vers le lesbianisme. Donc elle critique aussi cette thèse d'Adler en nous disant qu'elle n'est pas plus juste que celle de Sigmund Freud. Elle donne une thèse qui me semble être assez en contradiction avec l'existentialisme, dont je vous rappelle qu'il nous dit qu'il n'y a pas d'essence, qu'il n'y a pas de nature humaine, qu'il n'y a que de la culture, de la constitution d'être et de la construction d'individualité. Simone de Beauvoir, nonobstant cette thèse majeure et centrale de l'existentialisme, dit « Si l'on invoque la nature, on peut dire que naturellement, toute femme est homosexuelle. » Elle explique pourquoi. Elle nous dit « La femme se veut sujet, alors que la culture masculine la construit comme un objet. » Cette tension entre son désir subjectif et le pouvoir objectivant des hommes se trouve résolu dans l'homosexualité. Une relation homosexuelle avec une femme qui, elle, ne lui demandera pas d'être objet, mais réalisera avec elle une intersubjectivité de sujet. Pour le dire dans un vocabulaire qui sera moins phénoménologique, dans l'hétérosexualité, l'homme veut l'assujettissement de la femme, l'homme est le sujet qui transforme la femme en objet, dans l'homosexualité féminine, elle est sujet avec une femme qui est aussi sujet qu'elle. Donc ce sont des relations de sujet, éventuellement d'objet, mais des relations qui sont consenties. C'est-à-dire qu'on peut jouer à être l'objet, mais dans une logique contractuelle, on choisit et on ne subit pas. Le lesbianisme est donc la seule façon d'échapper à la fameuse lutte des consciences de soi opposées dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que Hegel a raison, il y a lutte pour les consciences de soi opposées, il y a détermination en permanence dans l'intersubjectivité d'une domination et d'une servitude, d'un maître et d'un esclave. Eh bien, le lesbianisme permet, nous dit Simone de Beauvoir, d'échapper à ça. Elle écrit explicitement, pour que vous voyez que c'est sa thèse, c'est pas moi qui force les textes et qui lui ferai dire, elle nous dit pour les femmes, c'est avec l'homosexualité que les rapports sont libres, gratuits, qu'ils peuvent donc être voulus. Dans un lit où se trouvent deux femmes, donc il n'y a pas de domination et de servitude, mais projet, choix, vouloir libre et authenticité. On pourrait dire en ce sens que le lesbianisme est un humanisme parce qu'il permet l'assomption de la féminité et non pas son refus, parce qu'elle permet aussi cette relation homosexuelle, qu'on refuse la passivité que l'homme impose toujours, parce qu'on choisit l'activité fondatrice de la subjectivité, parce qu'on abolit la séparation. On n'a plus l'homme d'un côté, la femme de l'autre, le sujet d'un côté, l'objet de l'autre, la domination et la servitude, le maître et l'esclave. On a deux êtres qui sont dans l'égalité parfaite. Simone de Beauvoir nous dit qu'il y a quelque chose d'intéressant aussi dans l'homosexualité féminine, c'est qu'il y a un orgueil à n'obéir à aucun maître. Elle dit également que l'homosexualité se pratique en dehors de l'institution, contre même l'institution. De fait, on peut pas, enfin, c'est pas l'époque où on pouvait se paxer ou se marier, mais par définition, l'homosexualité est une relation qui ne peut pas déboucher sur la famille. Et l'homosexualité est d'ailleurs le lieu même de la gratuité de la sexualité. C'est-à-dire la sexualité, elle est là pour elle-même. Elle n'est pas là pour faire des enfants, elle n'est pas là pour élargir une famille ou pour construire une famille, elle est là pour elle-même. C'est pourquoi d'ailleurs l'Église catholique, apostolique et romaine, mais aussi les monothéismes critiquent l'homosexualité, puisque effectivement, si on a ce type de relation, c'est qu'on veut du plaisir par le sexe. Et ça, c'est condamné par les monothéismes. Et c'est parce que cette sexualité se pratique en dehors de l'institution, voire contre elle, que elle est, cette sexualité, plus sincère que l'hétérosexualité. Et puis elle nous dit, Simone de Beauvoir, que cette relation particulière, elle existe après l'acte sexuel. Pour le dire autrement, on a l'impression souvent que quand un homme couche avec une femme, pour un homme, ça se termine, pour une femme, ça commence. Et que le malentendu est tout entier dans cette aventure. Elle nous dit, voilà, quand l'homme a possédé, il se désintéresse. Et dans la relation homosexuelle, quand il y a eu un premier contact ou une première nuit, eh bien, il n'y a pas cette histoire de la domination et de la servitude. Donc, ça continue. Cette histoire, elle s'approfondit donc avec le temps. Simone de Beauvoir nous dit que l'homosexualité est un moment nécessaire parce que c'est un moment naturel dans l'évolution de la jeune fille. Et donc, elle nous fait une espèce de chronologie, ou du moins un portrait de la jeune fille. Et elle nous explique ce que la jeune fille redoute. Si vous mettez en perspective ces pages théoriques qui visent l'universel et les cahiers de Simone de Beauvoir, les cahiers qu'elle écrit dans sa jeunesse et dans son adolescence, vous voyez que c'est une confession, c'est une autobiographie. Simone de Beauvoir nous dit « La jeune fille redoute toujours la pénétration du mâle, la domination masculine, le corps des hommes, les assauts de la virilité. » Voilà pourquoi elle se sent naturellement portée vers une relation avec sa semblable qui, elle, ne lui infligera aucun dommage. Elle écrit « En presque toute jeune fille, avons-nous dit, il y a des tendances homosexuelles. Les étreintes souvent maladroites du mari ne les effacent pas. De là vient cette douceur sensuelle que la femme connaît auprès de ses semblables et qui n'a pas d'équivalent chez les hommes. Elle nous dit, Simone de Beauvoir, c'est par le vagin que la femme est pénétrée et fécondée. Il ne devient un centre érotique que par l'intervention du mâle et celle-ci constitue toujours une sorte de viol. Et plus loin, elle dit, entre les femmes, l'amour est contemplation. Donc, hétérosexualité, c'est violence, c'est viol, c'est brutalité, etc. Homosexualité, c'est contemplation. C'est la théorie. Petit chapitre, mais extrêmement efficace sur le lesbianisme dans le deuxième sexe. C'est une justification. C'est une des modalités de la sexualité. C'est une des modalités naturelles. C'est même peut-être la modalité naturelle, nous dit Simone de Beauvoir. On n'est pas criminel, on n'est pas mal construit, on n'est pas dans un défaut de physiologie, on n'est pas dans un défaut hormonal. Donc c'est une habilitation du lesbianisme. La totalité de son existence, Simone de Beauvoir dira qu'elle n'a pas connu de relation homosexuelle. Je voudrais vous donner quelques exemples de cette dénégation, de ce déni perpétuel. En septembre 1966, dans un entretien qu'elle donne au Japon, un mensuel de jeunes filles qui s'appelle Mademoiselle, la journaliste Asabuki Tomiko a publié un joli livre sur Sartre et Simone de Beauvoir au Japon, et elle rapporte les comportements de l'un et de l'autre, et en même temps les interventions des journalistes et quelques-unes de leurs questions. Et il y a une question qui est posée sur les progrès de l'homosexualité dans le monde. Et elle pose la question, l'homosexualité est-elle une simple perversion ou pas ? Simone de Beauvoir répond. « Vous me posez une question difficile à laquelle je ne peux répondre pour l'instant. Pour le faire, il faudrait se livrer à des recherches en profondeur, tant sociologiques que psychologiques. Il est sûr que l'homosexualité est une perversion de la nature humaine. Il est sûr que l'homosexualité est une perversion de la nature humaine, mais sa progression résulte sans doute de causes plus profondes. » La journaliste prétend que Sartre a quand même été un peu subjugué par la réponse de Simone de Beauvoir, mais évidemment, il n'en dit rien. On voit des arguments de mauvaise foi quand elle dit qu'elle ne peut pas répondre à cette question-là parce qu'il lui faudrait se livrer à des recherches en profondeur. D'abord, ça lui est arrivé de s'exprimer sur nombre de sujets sans vraiment faire des recherches en profondeur. Mais ensuite, on peut simplement lui faire savoir qu'en 1966, elle a publié un chapitre sur le lesbianisme dans le deuxième sexe et qu'elle a travaillé sur des documents et qu'elle est donc, pour le coup, informée. Elle a fait des recherches en profondeur, tant sociologiques que psychologiques. Donc, elle ne répond pas à la question. Septembre 1982, Alice Schwarzer lui pose la question « Lorsque vous évoquez votre sexualité, il n'est jamais question que d'homme. Vous n'avez jamais eu de relation amoureuse avec une femme ?» Réponse de Simone de Beauvoir, qui à l'époque vit avec Sylvie Lebon. Hein. « Non, jamais. J'ai toujours eu de très grandes amitiés avec les femmes, très tendres, parfois même avec une tendresse caressante, mais ça n'a jamais éveillé en moi de passion érotique. » On est en 1982. Et Jean-Paul Sartre est mort. C'est-à-dire, on peut dire des choses, ça fait 2 ans que Jean-Paul Sartre est mort, mais il est toujours dans la dénégation, même si sa vie prouve le contraire. Le 7 mars 1986, Elle a un entretien avec Deirdre Baer, qui est sa biographe américaine, et sa biographe aborde clairement la question de l'homosexualité. Réponse de Simone de Beauvoir, « C'est exact, j'embrasse les femmes sur la bouche, je les serre contre moi et parfois nous nous caressons les seins, mais il ne se passe jamais rien plus bas. » Et donc sa biographe lui dit « Mais plus bas, ça veut dire quoi ?» Réponse, et j'extrais ce texte de la biographie de Simone de Beauvoir par Deirdre Baer. « Elle m'expliqua, avec bien des circonvolutions, des ambiguïtés, en rougissant beaucoup et en bégayant, que, puisqu'elle affirmait n'avoir aucune activité génitale avec les femmes, personne ne pouvait la qualifier de lesbienne. La suite de la conversation fit apparaître qu'elle conservait des idées de son milieu en matière de sexualité, vestige de son éducation catholique rigide. Elle estimait, reconnut-elle, que toute activité sexuelle autre que la position du missionnaire était perverse. » On retrouve cette thèse de la perversion, et que, même si elle s'y était parfois livrée, ce n'avait jamais été avec des femmes, et voilà pourquoi, répéta-t-elle plusieurs fois avec véhémence, on ne pouvait la qualifier de lesbienne. Donc la chose est plusieurs fois dite à plusieurs interlocuteurs. On sait pourtant que ça n'a pas été le cas. J'exclus Zaza parce que c'est une hypothèse et que rien ne permet aujourd'hui de montrer que cette hypothèse est une thèse, est une vérité. Mais il y a Olga Kozakiewicz, il y a Bianca Lamblin, il y a Nathalie Sorokine, il y a Natacha Moffa, et puis Sylvie Lebon, et la biographe ajoute, et plusieurs autres femmes. Bianca Lamblin, justement, dont j'ai eu l'occasion de vous parler, a écrit un livre qui s'appelle « Mémoire d'une jeune fille dérangée ». Elle raconte les histoires sexuelles avec Beauvoir et Jean-Paul Sartre, donc elle a connu les deux, ça lui permet de témoigner. Et parfois probablement dans le même lit. Et donc, elle écrit, elle dit « j'écris parce que les correspondances sont parues, que j'ai des enfants, qu'on a exposé ma sexualité d'adolescente et que je veux dire la vérité ». Et on sait, et j'ai eu l'occasion déjà peut-être d'en parler, qu'il y a eu une relation sexuelle entre Bianca et Simone de Beauvoir. Elle avait alors 17 ans, cette jeune fille, elle était au lycée. Et c'est une histoire qui a lieu entre mars 1938 et février 1940. Et Bianca Lamblin nous dit que Beauvoir ne reconnaît pas la retenue au lit. Elle dit « Nous avions peu à peu renouvelé nos rapports physiques, qui me donnaient beaucoup de plaisir et me captivaient. Elle avait, contrairement à Sartre, une capacité d'abandon réconfortante. » Elle nous dit qu'en juin 1943, l'histoire a continué après le lycée, et elle partait en vacances ensemble, la mère de Bianca a porté plainte. La relation était orageuse, il y a eu des échanges de coups, il y a une histoire, un trio, c'est-à-dire qu'après avoir couché avec Simone de Beauvoir, Beauvoir la met dans le lit de Jean-Paul Sartre, et puis après, elle jette son ancien élève, qui souffre évidemment, et cette histoire est racontée dans les correspondances, et évidemment le jour où les correspondances paraissent, Bianca Lamblin met ces choses-là sur le papier et publie les mémoires d'une jeune fille dérangée. Il faut ouvrir une parenthèse pour dire que Simone de Beauvoir a été radiée par le régime de Vichy, radiée de l'éducation nationale, qu'elle prétend que c'était pour fait de résistance, c'est pour ces faits de lesbianisme avéré avec l'une de ses élèves que Simone de Beauvoir a été mise à pied par Vichy, et ça n'a pas été un fait de résistance. Plus tard, elle écrit à Nelson Algren sur ce sujet, il faut dire que pour sa défense, elle a consenti plus tard à ce que effectivement leur comportement à Sartre et à elle n'avait pas été vraiment extraordinaire, qu'ils avaient fait souffrir des gens et que si c'était à refaire, probablement il ne faudrait pas le refaire comme ça, mais on va revenir là-dessus. Elle écrit, Simone de Beauvoir, « Ce qui ne m'a pas toujours déplu, trois ou quatre fois même, je me suis laissé prendre au point d'en arriver à me conduire très mal, très étant en italique dans sa correspondance, enfin souligné. Il en a découlé des histoires infinies, car si pour moi c'était plaisant, mais sans véritable importance, pour ses filles, au moins pendant un temps, ça en avait une considérable et je devais les manier avec précaution. » Je voudrais conclure, pas seulement cette séance, mais la totalité de ce que j'ai pu dire sur Simone de Beauvoir, pour dire que j'ai brossé un portrait impressionniste et qu'on a eu un peu le nez sur la peinture et qu'on a vu les taches, les touches, etc., etc., mais qu'en prenant un peu de recul, il nous faut convenir, évidemment, bien sûr, que Le deuxième sexe est un très grand livre. C'est un livre majeur, c'est un livre qui a produit des effets considérables et que, quand on laisse de côté un certain nombre d'approximations, quand on laisse de côté tout ce qui est trop franchement autobiographique et toutes les contradictions, il y a nécessité quand même de tirer quelques grandes lignes de force et je vous les propose. C'est un grand livre parce que, d'abord, c'est une excellente phénoménologie de la condition féminine. C'est une description de la condition des femmes qui est assez extraordinaire, avec des pages d'anthologie. J'ai eu l'occasion de vous parler de la phénoménologie qu'elle fait de la collection des petits objets dans les intérieurs, assez désopilante, mais assez juste et assez vraie. Elle fait une généalogie de ce genre de comportement-là, ou tous les autres comportements, commérage, la lettre anonyme, la méchanceté, la névrose, le fait qu'on devient dévot, dévote, ou ce genre de choses. C'est aussi donc une juste description de l'aliénation des femmes. On explique que les femmes sont aliénées, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas elles-mêmes, qu'elles sont construites par les hommes, et que la plupart du temps, elles consentent à ce que les hommes ont voulu faire d'elles. Les hommes veulent pour elles la domination, la servitude, l'assujettissement, etc., etc. Il faut que les femmes refusent ça. Et c'est en refusant ça qu'elles constitueront une féminité et leur existence. C'est également, ce livre, un terrible démontage des mécanismes de la domination masculine. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui fait qu'un jour, une femme intelligente, comme Simone de Beauvoir, brillante, comme Simone de Beauvoir, dit, après une discussion de 3 heures dans le jardin du Luxembourg avec Jean-Paul Sartre, brillant lui aussi, intelligent et cultivé, etc. Et qu'est-ce qui fait que cette femme baisse les bras en disant « il est intelligent, il est brillant, c'est lui qui est philosophe, moi je me mets au service, je vais me consacrer mon existence à Jean-Paul Sartre et mon chef-d'œuvre, ce sera Jean-Paul Sartre ». Mon chef-d'œuvre, ce sera ma vie, mais ma vie, c'est Jean-Paul Sartre. C'est assez sidérant qu'une femme qui expérimente charnellement, viscéralement, biographiquement, le mécanisme de l'aliénation puisse en faire la théorie dans un livre sans constater que l'aliénation, elle la connaissait elle-même. Simplement, il aurait fallu, pour ce faire, qu'elle puisse constater que dans l'aliénation, il pouvait y avoir une jouissance, qu'il peut y avoir du bénéfice à être aliéné. Et que ce bénéfice à l'aliénation fait qu'on n'a pas envie de constater qu'il y a aliénation et que la dénégation fonctionne à partir de ce moment-là. Le livre également décrit excellemment la vie mutilée que les civilisations offrent sans choix aux femmes. On dit voilà, il faut faire des enfants, il faut être épouse, il faut être fidèle, il faut être monogame, il faut travailler, il faut vous taire, il faut accepter la sexualité que les hommes vous infligent s'ils n'ont pas été éduqués, peu éduqués, mal éduqués, ou s'ils sont brutaux, agressifs, ou s'ils sont nuls, ou s'ils sont éjaculateurs précoces, ou je ne sais quoi. C'est ça la vie, ma pauvre fille. Et donc effectivement, cette description de la vie mutilée, elle est très belle. Il y a des pages très, très douloureuses, mais d'une grande vérité. Elle dit quelque chose d'important également, qu'on n'est toujours pas prêt à entendre. Simone de Beauvoir dit qu'il n'y a pas d'instinct maternel. Elisabeth Badinter, en disciple de Simone de Beauvoir, a écrit un livre qui s'appelle « L'amour en plus », qui fait la démonstration que, de fait, quand on dit aux femmes qu'il y a un instinct maternel, c'est la plupart du temps qu'on veut les asservir, parce qu'on leur dit « vous êtes faites pour les enfants ». Ce qui veut dire effectivement que les hommes, eux, puisqu'ils n'ont pas l'instinct maternel, ils peuvent évidemment chasser, aller, venir, partir et se comporter d'une certaine manière. C'est-à-dire cette destruction de la relation sentimentale et affective de la mère en disant « si relation il y a, c'est une relation construite, ça n'est pas une relation donnée, c'est une histoire de culture, c'est pas une histoire de nature et de viscères », c'est aussi une thèse importante. Livre important parce que Simone de Beauvoir nous dit que une femme n'a pas besoin d'être mère pour être femme. On peut imaginer, en 1948, de quel regard on pouvait la fixer. Elle propose aussi quelque chose de radicalement révolutionnaire, c'est-à-dire la dissociation de l'amour, de la sexualité, de la procréation, de l'habitation. Leur vie, à eux deux, à Simone de Beauvoir et à Jean-Paul Sartre, a illustré d'ailleurs cette dissociation-là. Elle a aimé Jean-Paul Sartre et elle a couché avec lui. Puis elle a continué à l'aimer sans coucher. Ils ont continué à avoir des relations sexuelles avec lui. Elle a eu des relations sexuelles probablement avec des gens qu'elle n'a pas aimés. Elle a eu une sexualité dissociée de la procréation. Et Jean-Paul Sartre aussi, d'ailleurs. Chose intéressante aussi de ce grand livre, c'est qu'il invite chacun à créer sa formule. Et ça, c'est à la décharge de Sartre et Beauvoir. Sartre et Beauvoir n'ont pas dit « vivez comme nous ». Ils ont dit « voilà comment nous vivons ». Et c'était intéressant de renvoyer chacun à sa formule, en disant « mais c'est à chacun d'inventer sa vie, sexuée et sexuelle ». Vous arrivez dans l'existence et on vous a dit « vous êtes un garçon, vous êtes fait pour une fille, vous êtes une fille, vous êtes fait pour un garçon, vous êtes un couple, vous êtes fait pour faire une famille c'est fait pour avoir des enfants, les enfants c'est fait pour être éduqué, puis quand c'est éduqué, ben, etc. etc. » Enfin voilà, on propose un schéma et on dit « ce schéma est inévitable et quiconque déroge est dans l'anormalité, et l'apostrophe « anormalité ». Et Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre disent « ben non, il faut inventer ». Et ils font parfois de nécessité vertu. Et quand vous voyez l'envers du décor, parce que les amours nécessaires, les amours contingentes, ben vous voyez que c'est une configuration inventée sur mesure. C'est un costume sur mesure. D'une certaine manière, on vous donne, si vous faites 1m90 ou si vous faites 1m60, on vous donne toujours le même vêtement à porter. Et Simone de Beauvoir dit non, il faut tailler sur mesure sa vie sexuelle, sa vie sentimentale, sa vie amoureuse, associée, dissociée. On peut ne pas vivre sous le même toit que la personne qu'on aime. Et de fait, Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir ont très peu cohabité. Chacun vivant, à une époque, Sartre, tant que sa mère a été vivante, du moins à partir du moment où sa mère a perdu son second mari, Sartre est allé vivre avec sa mère, jusqu'à la mort de sa propre mère. Et puis après, ils ont vécu dans des hôtels, puis après, ils ont vécu séparés, puis ils se retrouvaient pour les déjeuners, pour les dîners, puis après, il y avait un rituel. Il y avait des jours pour Simone de Beauvoir, puis tous les soirs, et puis des cérémoniaux divers et multiples. On écoutait de la musique, on prenait des cuites. Enfin bon, c'était construit. Et Beauvoir et Sartre disent, voilà, et plutôt Simone de Beauvoir, sur ce terrain-là, dit, voilà notre formule, inventez la vôtre. Elle n'est pas forcément complètement duplicable. Grand livre également pour, et ça tout le monde est d'accord, enfin j'ose espérer que tout le monde est d'accord, parce que c'est le livre qui théoriquement permet la réappropriation de leur corps par les femmes grâce à la contraception et à l'avortement. Tant que la sexualité a été menacée par la procréation, l'idée qu'on puisse tromper son mari, avoir une histoire avec le voisin et en même temps devenir enceinte et porter cet enfant-là parce que la contraception n'existe pas ou qu'elle est coûteuse ou qu'elle est problématique ou qu'elle n'est pas facile et que quand on a commis ce genre d'erreur et qu'on n'a pas la possibilité d'avorter parce que c'est encore plus compliqué, qu'on y risque sa vie parce que les hémorragies sont fréquentes et puis parce que les faiseuses d'anges finissent sous la guillotine pendant très longtemps. Effectivement, le jour où on dit voilà, contraception et avortement, la sexualité s'en trouve totalement modifiée. Totalement modifiée. C'est-à-dire que le coït réservé qui supposait que pouvait avoir une intromission mais qu'il fallait faire attention, etc., on imagine que c'est nul pour tout le monde et qu'une femme ne peut pas être épanouie. Un homme peut y trouver son compte parce qu'il peut se contenter de peu, mais les femmes ne peuvent pas être épanouies avec ce genre de menaces. Et de fait, quand la contraception et l'avortement arrivent, c'est une véritable révolution de civilisation. Et ça, c'est théorisé chez Simone de Beauvoir. C'est un grand livre aussi pour la possibilité de l'homosexualité présentée comme une sexualité parmi d'autres. Il y a des modalités diverses et multiples de la sexualité. Inventez la vôtre. Vous pouvez être hétérosexuel, vous pouvez être homosexuel, vous pouvez être bisexuel. Puis vous pouvez être aussi, elle n'en parle pas, mais plus tard, les gender studies s'occupent de ces choses-là. Vous pouvez être transsexuel. Et puis vous pouvez tout ce que vous voulez, pourvu que vous soyez dans des logiques de consentement. Tout est possible pourvu qu'il y ait consentement. C'est évidemment un grand livre au-delà de la France, au-delà de l'Europe, parce que ça reste un traité de combat pour toutes les femmes aujourd'hui. On a tendance à croire que parce qu'on est en Europe, parce qu'on a connu la Révolution française, etc., jusqu'à mai 68, un certain nombre d'évolutions dans la civilisation, toutes les femmes sont concernées par ça. C'est évidemment oublier que des milliards de femmes sur la planète sont toujours dans la domination, dans la servitude, dans l'exploitation, etc., ce qui n'exclut pas que les femmes occidentales le soient aussi encore et toujours. Et Simone de Beauvoir critique un certain nombre d'idéologies qui sont contradictoires avec la liberté ou la libération des femmes. Bien sûr, le judéo-christianisme, qui nous dit que les femmes sont d'abord des épouses et des mères. Le marxisme, bien qu'elle soit relativement critique à l'endroit du marxisme, elle n'est pas sotte, elle a bien compris quand même qu'on pouvait être un peu critique. Et je pense que s'il n'y avait pas eu Jean-Paul Sartre dans sa vie, on aurait eu une philosophe et une autre philosophe. Elle a souscrit à toutes les errances politiques de Jean-Paul Sartre. Mais elle écrit dans le deuxième sexe, c'est de la révolution que viendra l'émancipation des femmes. Donc, je vous le rappelle, on avait démarré les séances sur Simone de Beauvoir avec ça. Simone de Beauvoir ne croit pas à un féminisme séparé. L'idée que ce qui deviendra le MLF, et auquel elle souscrira bien sûr, mais ce qui deviendra le MLF, c'était impensable dans la configuration du deuxième sexe. Il était question pour elle de faire confiance à la révolution prolétarienne, au marxisme-léninisme, pour libérer les femmes, et pas de mener des combats qui auraient été des combats adjacents, des combats à côté, en disant, voilà, on crée le MLF et on va militer pour la contraception ici et maintenant, pour l'avortement ici et maintenant. On ne va pas attendre la révolution. Ça, c'est la théorie de Simone de Beauvoir à cette époque-là. Elle pense qu'effectivement, il faut toujours regarder du côté de la révolution. Elle voit un double mouvement dans l'Union soviétique, la révolution de 17, bien sûr, qui est un progrès, parce qu'on légalise l'avortement, on simplifie la contraception, il y a une politique d'éducation sexuelle, on facilite le divorce. Mais elle constate qu'après-guerre, il y a un tournant réactionnaire de restauration d'un ordre ancien, mais elle excuse un peu l'Union soviétique en disant « mais ce sont des raisons démographiques ». Effectivement, on demande aux femmes de redevenir des épouses, de redevenir des mères, parce qu'il faut produire en quantité des enfants pour redresser le pays, pour sa grandeur et la prospérité du pays, du socialisme réel. Donc, elle est relativement critique, mais en même temps, elle persiste à croire que le salut des femmes ne passera pas par les femmes elles-mêmes, mais passera par une révolution prolétarienne. Elle évoluera, bien sûr, après 68, et on en parlera dans la conclusion de cette année. Elle est contre donc le judéo-christianisme, elle est contre le capitalisme, elle est contre également l'islam. On le dit assez peu, même chose, c'est un peu explosé dans le livre, mais elle nous dit que c'est une religion fondamentalement misogyne, essentiellement misogyne. Elle écrit « La religion qui s'est créée au moment où le peuple arabe était guerrier et conquérant a affiché pour la femme le plus total mépris. » Et elle fait une citation dans cette citation. « Les hommes sont supérieurs aux femmes à cause des qualités par lesquelles Dieu leur a donné la prééminence et aussi parce qu'ils dotent les femmes, dit le Coran. Elle n'a jamais détenu ni pouvoir réel, ni prestige mystique. » Donc critique sur le fond de ce qu'est la religion musulmane. Et il y a dans l'ouvrage des critiques du voile, des critiques du travail manuel qu'on réserve aux femmes en disant, voilà, dans le pays d'islam, les hommes sont dans la culture, l'intelligence, l'invention, etc. Et les femmes, ce sont toujours les travaux manuels ou la cuisine, la vaisselle, le ménage, le tissage, les enfants ou ce genre de choses. Et il y a toujours une façon de séparer les hommes et les femmes. Et c'est toujours le cas aujourd'hui, si vous allez dans un certain nombre de pays du Maghreb, vous avez des femmes qui mangent dans une cuisine et puis les hommes qui mangent dans un autre endroit. J'ai vécu régulièrement ce genre de choses, en Libye, en Algérie ou dans des endroits comme cela. Et elle dit, et elle a raison, et on le dit assez peu, on a toujours l'impression que dans les pays islamiques, la vie commence avec l'islam, et il y a une civilisation pré-islamique qui est une civilisation extrêmement intéressante, civilisation arabe et civilisation berbère. Et quand on nous parle aujourd'hui de l'hospitalité, quand on nous parle de la générosité, quand on nous parle de l'aristocratie, quand on nous parle de etc., etc., c'était des vertus pré-islamiques, des vertus arabes pré-islamiques. Et elle nous dit que la civilisation pré-islamique des Bédouines, par exemple, a donné aux femmes une place nettement plus importante que le Coran. Et puis, dans tout compte fait, en 1972, 10 ans après les accords d'Évian, il y a des pages assez sévères, mais justes, et c'est à l'honneur de Simone de Beauvoir de les avoir écrites, sur ce qu'est devenue l'Algérie, autonome, libre, indépendante. Vous savez, ils se sont battus l'un et l'autre pour l'indépendance de l'Algérie. Et elle constate que, de fait, l'islam a pris le pouvoir, beaucoup plus que la laïcité, la raison, et que le statut des femmes s'en est trouvé altéré. Donc, ni capitalisme, ni soviétisme, ni islam, mais ce qu'on pourrait appeler la laïcité. Et une thèse extrêmement intéressante, et ça ramasse la totalité du deuxième sexe, Simone de Beauvoir propose les différences dans l'égalité. Les différences dans l'égalité. C'est très exactement la proposition républicaine. Il y a des diversités de religion, de sexe, des diversités de couleurs, de peau, etc. etc. Et ces différences, il faut les maintenir. C'est la richesse, la différence, c'est quand même nettement mieux que l'uniformité. Donc, égalité dans la différence, les différences dans l'égalité. Elle veut faire de la fraternité, c'est un mot qu'elle utilise, et à plusieurs reprises, vous avez vu que c'est le mot qu'elle utilise dans la correspondance, dans la lettre qu'elle envoie à Nelson Algren pour parler de sa relation avec Jean-Paul Sartre. Elle veut la fraternité entre les deux sexes. Et pour ce faire, elle table sur une évolution progressive. Donc vous voyez, c'est une expression d'elle, évolution progressive. Vous voyez les contradictions entre le fait qu'on pourrait souscrire à l'idéal marxiste-léniniste et en même temps penser que l'évolution progressive, ça pourrait fonctionner ensemble. L'évolution, ce n'est pas la révolution. Et ça, c'est tout de même dans le deuxième sexe, tome 2, page 570. Elle évoluera dans le sens de l'évolution, puisque en mai 81, elle appelle à voter François Mitterrand. Et elle conclut que, en dehors de toute construction sociale, et ça aussi, ça met à mal la thèse existentialiste, mais il y a deux mondes sensibles, érotiques, sensuels et sexuels. Un homme, ce n'est pas une femme. Ce n'est pas exactement la même chose, ce n'est même pas du tout la même chose d'un point de vue corporel. Donc vous voyez qu'on ne naît pas femme, on le devient, certes, mais on est quand même femme, même si on le devient. Donc il y a une partie, effectivement, de biologie, il y a une partie de nature humaine, quoi qu'elle en dise, et puis après, il y a une partie de culture. Et de fait, il faut aux femmes penser que ce sur quoi elles ont du pouvoir, c'est ce que la culture fait d'elles. La nature, c'est un fait, on ne peut pas faire grand-chose contre. En même temps, on peut construire quelque chose de culturel à partir de cette nature. Et Simone de Beauvoir invite à ce qu'on se réapproprie cette nature-là pour l'entretenir. Et c'est ce qui donne ce qu'on appelle un féminisme différentialiste. Et nombre de féministes ne sont pas d'accord avec cette thèse-là. C'est un différentialisme, c'est-à-dire il y a des hommes, il y a des femmes, ce n'est pas la même chose, mais en même temps, il faut une égalité. Et il faut une égalité que je dirais républicaine, même si le mot ne se trouve pas chez Simone de Beauvoir. Et je conclue cette conclusion de conclusion pour parler de ce couple que Sartre et Beauvoir ont pu faire. On peut dire qu'effectivement, c'est un essai non réussi d'intersubjectivité sexuée et sexuelle post-chrétienne. Si on veut, après le christianisme, inventer une formule particulière, on l'invente, mais le premier qui invente l'avion n'invente pas le Concorde tout de suite. Donc on peut imaginer qu'ils ont essayé, que ça n'a pas marché, du moins que certaines choses n'ont pas marché. Simone de Beauvoir l'a quand même fait savoir, Jean-Paul Sartre un peu aussi. Ils ont vu qu'effectivement, ils avaient fait souffrir, qu'ils avaient objectivé, instrumentalisé des gens autour d'eux. Toujours est-il qu'il y a eu de l'amour entre ces deux-là, ça me paraît évident. Et quand Simone de Beauvoir, quand Jean-Paul Sartre meurt et qu'il est quasiment en train de se décomposer quelques heures après sa mort, elle veut s'allonger contre son corps. L'infirmière lui dit que non, qu'elle va se trouver contaminée et qu'il est contaminant. Et on l'emmène et ce passage dans la cérémonie des adieux est un grand moment d'amour entre ces deux-là. Donc effectivement, il y a eu ce couple. Ça n'a pas été extraordinaire, il n'a pas été parfait, mais c'était une proposition. On peut réfléchir sur cette proposition et voir où ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas fonctionné ? Probablement dans le jeu d'exhibitionnisme, de voyeurisme, probablement dans le jeu de la transparence absolue, probablement dans le rapport un peu sadomasochiste, et puis probablement et sûrement dans l'objectivation du ou des partenaires. Toujours est-il que cette formule-là n'est pas à dupliquer. Vous avez bien vu que ça obéit à ce qu'on pourrait appeler une idiosyncrasie. Il faut le corps de l'un, le corps de l'autre, la vie de l'un, la vie de l'autre, pour que ça puisse produire ce genre d'effet. Ça reste donc un grand livre parce que ça vous invite tout un chacun à fabriquer votre couple, ce qui n'est pas une mince affaire. Alors, vous avez un livre de Michel Kail qui s'appelle « Simone de Beauvoir, philosophe » aux presses universitaires de France. Vous pouvez lire cet ouvrage-là, mais c'est un peu rapide. Et ça, le défaut que n'a pas Simone de Beauvoir, elle n'est pas jargonnante, Simone de Beauvoir. Mais ça reste un des rares livres, si ce n'est le seul, mais l'un des rares livres sur Simone de Beauvoir, philosophe. De Jacques Zéphyr, « Le néo-féminisme de Simone de Beauvoir », de Noël Gontier. Catherine Rogers, « Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, un héritage admiré et contesté » aux éditions L'Harmattan. Donc tout ça fait un peu état des gens qui ont été beauvoiriens, des gens qui ne le sont pas, des gens qui critiquent, des gens qui considèrent que le féminisme c'est autre chose, etc., etc. De Francis Janson, « Simone de Beauvoir ». C'est un texte que Janson écrit du vivant de Simone de Beauvoir, « Simone de Beauvoir ou l'entreprise de vivre », 1966. Et puis un cahier de l'Arc consacré à Simone de Beauvoir. Alors, « Simone de Beauvoir et la lutte des femmes », c'est le cahier 61. Voilà pour la bibliothèque. C'était « Contre-histoire de la philosophie » de Michel Onfray. Prise de son, Patrick Chanteclair, France Bleu Basse-Normandie. Collaboration technique, Centre dramatique national de Normandie. Réalisation, Véronique Villa. Demain, vers mai 68.